Dis-moi des mots, dis-moi les mots de ta musique de poète. Dis-moi des mots, dis-moi les mots, tes mots sont seuls amis qui restent, bien plus beaux que les souvenirs des chansons de soleil avec des bruits de mer pour les amants du ciel, les amants de la terre. Mon cœur les a chantés, mes yeux en ont pleuré. Elles font comme une ronde éperdue. Elles font comme une ronde que je ne trouve plus. Dis-moi des mots, dis-moi les mots, sans cesse ils tournent dans ma tête. Dis-moi des mots, dis-moi les mots, j'en ferai des bouquets de fête pour tous les amants à venir. Des chansons de soleil avec des bruits de mer pour les amants du ciel, les amants de la terre. Mon cœur que tu m'as offert, doux comme une prière, et qui sont la lumière qui peut effacer l'ombre. Dis-moi des mots, dis-moi des mots que je pourrais chanter aux autres, pour les empêcher de mourir.